bien un bureau, il a rien d'accueillant. L'employé assis là regarde un salaire, les retardataires, il a en horreur ce qui déborde des horaires. Sur son fauteuil pendant 35 heures, il prend la pause, attendant le changement de grade, de fonction, de statut, d'échelon, de catégorie. Mutation! Circulaire circule, le fonctionnaire fonctionne. Cette mobilité ne fait rien avancer. Tout reste en l'état, car l'état régit cette léthargie. Le corps des fonctionnaires gît dans les bâtisses.